السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا في قراءة رسالة العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. Nous sommes toujours dans la lecture de l'écrit du grand savant Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala. Nous étions dans la citation des causes qui dissipent la dureté du cœur. On doit lire le poème. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقلت والله الموفق. Donc nous allons lire ici des vers de poésie écrits par l'auteur lui-même رحمه الله تعالى. Il nous dit: je dis et c'est Allah qui accorde la réussite. أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقت وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن ما اتعظت تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت تنام وطالب الأيام ساعي وراءك لا ينام فكيف نمت. Est-ce dans la maison en ruine que tu continues à bâtir et tu y demeures alors que tu n'as pas été créé pour y rester? Et les jours ne t'ont pas laissé d'excuses, ils t'ont exhorté mais tu n'en as pas profité. Ils appellent au départ à chaque instant, et ils annoncent que c'est toi le concerné. Ils te font entendre l'appel alors que tu es inattentif à l'annonceur, comme si tu n'avais pas entendu. Et tu sais que c'est un long voyage, mais tu as négligé la préparation des provisions. Tu dors alors que le demandeur des jours court, derrière toi il ne dort pas. Comment tu as pu donc dormir? أفي دار الخراب تظل تبني. Est-ce dans la maison en ruine que tu continues à bâtir, que tu passes ta journée à bâtir? دار الخراب أي الدنيا. دار الخراب, ce qui est voulu par la maison en ruine, c'est ce bas monde. C'est ce bas monde. Ce bas monde est un lieu de passage. نعم. Celui qui construit donc dans ce bas monde, il construit sur un lieu de passage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, nous a enseigné pourquoi est-ce qu'il nous a créé. Avant cela, la deuxième partie du vers, wa ta'muru ma li 'umranin khuliqta, et tu y demeures alors que tu n'as pas été créé pour y rester. Pourquoi est-ce que nous avons été créés? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc la sagesse de ta présence fi dunya, la sagesse de ta création, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère, le connaître pour l'adorer. Cela dans Suratu al-Dhariyat. Et à la fin de Suratu At-Tahrim ou bien At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous cite une autre sagesse. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, Allah est celui qui a créé sept cieux. Et pareillement pour les terres, c'est-à-dire sept. L'ordre se succède entre les deux afin que vous sachiez. Cette création, pourquoi? Afin que vous sachiez. أن الله على كل شيء قدير. C'est pour la connaissance d'Allah. Afin que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent et qu'il embrasse toute chose de par sa science. Donc Allah Azza wa Jal nous a créés afin que nous le connaissions pour l'adorer seul d'un culte sincère. Voici la sagesse de ta création. Na'am. Et ici l'auteur rahimahullah ta'ala parle à celui qui court après la dunya. Il lui dit, tu es en train de construire et tu es en train de courir après une dunya qui n'est qu'un lieu de passage et qui ne durera pas. Na'am, c'est une maison en ruine. Et ajoute à cela que tu n'as pas été créé pour ce but. Tu as plutôt été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, Abdullah ibn Sa'ud radiallahu anhu nous cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous dit « Mali walid dunya, ma ana illa karakibin istawalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. » Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit « Je n'accorde aucune importance à ce bas monde. » Naam. Mon image à l'image, ou bien je ne suis qu'à l'image d'une personne qui a pris une monture ou bien qui est en chemin, puis il a utilisé l'ombre d'un arbre pour se reposer, il s'est relevé et parti. Ça c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la dunya. Il est sur sa monture, il s'arrête auprès d'un arbre, il se repose sous son ombre, il se relève et part. Vous voyez cette scène? C'est la considération du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la dunya, pour la dunya. Naam. Il l'utilise comme ça. Donc tu dois utiliser cette dunya comme une terre sur laquelle tu laboures et sèmes ce que tu veux récolter dans l'au-delà. Ad-dunya mazra'atul akhir. Ce bas monde n'est qu'un champ sur lequel ou dans lequel tu plantes ce que tu veux récolter dans l'au-delà. Puis, à la deuxième ligne, il nous dit « وَمَا تَرَكَتْ لَكَ الْأَيَّامُ عُذْرًا لَقَدْ وَعَظَتْكَ لَكِنْ مَتَّعَظْتَ » Et les jours ne t'ont laissé aucune excuse. Ils t'ont exhorté, mais tu n'en as pas profité. وَمَا تَرَكَتْ لَكَ الْأَيَّامُ عُذْرًا C'est-à-dire la succession des jours, des nuits, na'am al-hawadith, les événements, toutes ces choses sont une leçon, sont une exhortation, na'am, qui te font apparaître la mort devant toi. Tout ce que tu vois devant toi, c'est une exhortation. Tu entends qu'un tel est décédé. Tu entends qu'un tel est tombé malade. Na'am. Un tel était pauvre, il est devenu riche. Un tel était riche, il est devenu pauvre. Le soleil se lève et se couche. La nuit succède le jour succède la nuit. Ça, c'est un dars. Na'am. Ça, c'est une leçon. Il y a dans cela une exhortation. Il y a dans cela iqamatul hujja. En voyant tout cela, tu n'as plus d'excuses. Tu sais que tu as un but dans ce bas monde et tu sais que tu y es pour un temps déterminé. Donc, c'est comme une lettre que tu avais reçue, une exhortation et des leçons. Et comme le disait Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, Yabna Adam, innama anta ayyam. Au fils de Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Fakullama zahaba yawmun zahaba ba'duk. À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui meurt. Na'am. Celui qui va vivre par exemple 60 années, 60 ans. Na'am. Chaque année passée, c'est une partie de lui qui est partie. Et ça ne reviendra jamais, la yawm al-qiyam, pour être jugé et rétribué. Puis il nous dit, rahimahullah ta'ala, tunadi lirrahil bi kulli hin wa tu'linu innama al-maqsud anta. Il t'appelle au départ à chaque instant et ils annoncent que c'est toi le concerné. Encore une fois, ces jours qui passent et qui défilent, la succession des jours par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un message qui t'appelle à te rappeler ton retour vers Allah azza wa jalla. Tu étais au matin, nous sommes en fin d'après-midi, puis vient la nuit. Ce jour qui passe, ça te rappelle ta vie à toi qui défile, qui passe. Et que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme la nuit va envelopper ce jour, la mort va venir envelopper ta vie. Jusqu'au jour où tu vas quitter ce bas monde. Il y a donc dans la succession des jours et des nuits une grande leçon pour le serviteur. وَتُسْمِعُكَ النِّدَاءَ وَأَنْتَ لَاهٍ عَنِ الدَّاعِي كَأَنَّكَ مَا سَمِعْتَ. Ils te font entendre l'appel alors que tu es inattentif. De quoi est-ce qu'on parle encore une fois ici? Hawadithul ayyam. Na'am, ce qui se passe au quotidien et la succession des jours et des nuits. Tout cela est comme une lettre qui t'a été envoyée pour t'informer que ton jour est proche, prépare-toi. Na'am, ton jour est proche, l'heure de la mort est proche. Et ad-da'i ici, celui qui t'appelle, il s'agit de la mort. Celui qui t'appelle ici, ça fait référence à la mort. Yani ad-da'i, ad-da'i ici, na'am, celui, l'annonciateur, c'est al-maut. Ka'annaka ma sami'ta. Mais c'est comme si tu n'avais pas entendu. Pourquoi? Parce qu'il est distrait. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé par sa dunya. Pourquoi? Parce qu'il est distrait du but pour lequel il a été créé. Adore Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il n'apprend pas. C'est pour ça qu'il n'applique pas. C'est pour ça qu'il ne prend pas ses provisions pour l'au-delà. Car il est distrait du retour vers Allah Azza wa Jal. Il vit dans ce bas monde comme s'il allait y rester pour l'éternité. Alors que la réalité est tout autre. Alors que la réalité est tout autre. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Toute âme goûtera à la mort. Et comme il nous le dit dans un autre verset, « Aynama takunu yudrikkumul maut » Où que vous soyez, la mort viendra vous atteindra. Puis il nous dit, rahimahullah ta'ala, « Wa ta'alamu annahu safarun ba'idun » وَعَنْ إِعْدَادِ زَادٍ قَدْ غَفَلْتَ. Et tu sais que c'est un long voyage. Na'am. C'est-à-dire, lorsque tu quitteras ce bas monde, il y aura le barzakh, yani l'étape de la tombe, puis tu seras ressuscité pour comparaître devant Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Donc c'est un long voyage qui t'attend. Et chaque voyage demande quelle chose, nécessite quelle chose? Na'am, des provisions, une préparation, des provisions azad. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit wa'an i'dadi zadin qad ghafalta. Donc tu t'apprêtes à faire un long voyage, mais malgré cela tu es négligent quant à la préparation des provisions. Pour voyager d'un endroit à un autre, quelles sont les provisions desquelles nous pouvons avoir besoin? Na'am, la monture, la nourriture, la boisson, l'argent et ainsi de suite, sahih. Mais là, de quel voyage s'agit-il? Du voyage vers l'au-delà. Allah al-musta'an. Et pour cela, quelles sont les provisions qui seront utiles aux serviteurs? Na'am. Al-amal salih. Al-amal salih. Waffaqana Allah wa iyyakum. Les actions pieuses. Voici ce qui est voulu par Azad. Azad, c'est les provisions du voyageur. Et ce qui est voulu ici, c'est les bonnes actions. At-taqwa, Allah Azza wa Jal nous dit, « Wa tazawwadu et prenez vos provisions. Fa inna khayra zadi taqwa. Et certes, la meilleure des provisions est la piété. La meilleure chose que tu peux prendre avec toi pour ce long voyage, pour ce jugement difficile et éprouvant, c'est la piété. Comme nous le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Prenez vos provisions. Et certes, la meilleure des provisions est la piété. Que signifie la piété? At-taqwa, l'oratan, c'est près du mot al-wiqaya. Al-wiqaya, c'est le fait de se prémunir, se protéger d'une chose. Na'am, tu portes par exemple un manteau pour te prémunir du froid. Al-mi'taf, pour te prémunir du froid. Des chaussures de peau, pouvoir marcher sur la terre sans avoir la nuisance du sol. Mais comment est-ce que tu vas te prémunir du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la fournaise? En faisant ce qu'il t'a commandé et en délaissant ce qu'il t'a interdit. Donc, at-taqwa, c'est quoi? C'est faire ce qu'Allah azza wa jalla t'a ordonné et délaisser ce qu'il t'a interdit avec science. Tu fais ce qu'Allah t'a ordonné à la recherche de son agrément, tu espères sa récompense. Tu délaisses ce qu'Allah t'a interdit par crainte de son châtiment. Par crainte de son châtiment. Voici ce qu'est at-taqwa. Donc les provisions at-tawhid, la ilaha illallah, c'est la meilleure des provisions. Na'am. Celui qui rencontre Allah Azza wa Jalla avec la ilaha illallah. Ilman wa amalan wa tahqiqan laha. Celui qui rencontre Allah Azza wa Jalla avec la ilaha illallah. Avec sa science. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة حديث عثمان رضي الله عنه لعله عند مسلم celui qui meurt en ayant la science de la إله إلا الله entre au paradis avec la science de la إله إلا الله avec la mise en pratique de la إله إلا الله il n'adore qu'Allah d'un culte sincère après avoir rejeté le droit à l'adoration pour tout autre que lui. Na'am. Il a la certitude dans cette parole, il aime cette parole, il est ferme dans cette parole. Celui qui rencontre Allah Azza wa Jalla avec ça fera partie des gens du paradis. Donc c'est la meilleure des provisions. Tu rencontres Allah Azza wa Jalla avec as-salawat, iqamatus salat, l'accomplissement des prières en leur temps, en ayant préservé les conditions, les piliers, les obligations. Puis tu y ajoutes les madha. Al-mustahabbat, les choses louables et recommandées. Na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui, yani selon la traduction, celui qui l'accomplit, na'am, comme il le faut, elle sera pour lui une lumière, une preuve et l'impact avec Allah de le faire entrer au paradis. Na'am. Et celui qui la délaisse, il sera avec Qaroun, Haman et Ubay ibn Khalaf, les têtes du kufr. Wal-iyadu billah. Ensuite, al-zakat, parmi les provisions, la zakat. Wa aqimu salata wa atu zakat. Parmi les provisions, al-hajj wa siyam, le jeûne, al-hajj. Na'am, parmi les provisions, birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents, c'est partie des meilleures provisions. Parmi les provisions, silatul rahim, les liens de parenté, lier les liens de parenté. Na'am, parmi les provisions, husnul khuluq, le fait d'avoir un bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, أقرب الناس مني منزلا أو منزلة يوم القيامة حاسنكم أخلاقا أحب الناس إلي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui que j'aimerai le plus le jour du jugement dernier sera celui parmi vous qui aura eu le meilleur comportement. Et il nous dit, celui qui sera le plus près de moi يوم القيامة est celui qui a le meilleur comportement. Et beaucoup de hadith sur les nobles caractères. Parmi les meilleures provisions, كثرت الاستغفار. Le fait de beaucoup dire astaghfirullah, de demander à Allah Azza wa Jal qu'il te couvre, qu'il t'efface, qu'il te pardonne tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que son âme s'apprête à sortir, il ajoute à ses provisions, sachant que c'est celui qui a le plus de provisions. Toutes nos actions font partie des provisions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sah? Pourquoi? Car celui qui montre la voie est comme celui qui l'aura emprunté. Celui qui montre la bonne action, quand toi tu l'as fait, lui a les récompenses. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre enseignant à tous. Na'am? Donc tout ce qu'on fait, il en a les hasanat. Malgré ça, son âme s'apprête à sortir. Il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il prend comme provision? Al-istighfar. Il a fini sa vie honorable. Par quoi? Al-istighfar. Par al-istighfar. Alors qu'Allah Azza wa Jal lui a tout effacé. Alors que sa vie est une vie exemplaire. Alors que sa vie est un appel au tawhid. Un appel au bien, une mise en garde contre le shirk et contre le mal. Malgré ça, il finit sa vie avec quoi? Avec at-tazawud. Il prend ses provisions encore. Il prend encore ses provisions. Il dit Rabbi ghfirli warhamni wa alhiqni ila ar-rafiq al-a'la. Il finit sa vie en disant oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et fais-moi rejoindre la meilleure compagne. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis il nous dit rahimahullah, ou avant ça, wa an i'dadi zadin qad ghafalta, mais tu as négligé la préparation des provisions. Donc ça c'est une exhortation de la part de l'auteur pour qu'on fasse plus d'action. Al maut c'est une certitude, mais où est la préparation? Na'am. Où est la préparation? Où est celui qui se comporte d'une manière plus sévère que le commerçant lorsqu'il fait ses comptes? Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wa attaqullah inna allaha khabirun bima ta'amaloon wa la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul فاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله عز وجل nous dit, selon la traduction, oh vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Fais tes comptes, regarde ce que tu as préparé, quelles sont tes provisions. Na'am. واتقوا الله. À nouveau Allah عز وجل nous dit de craindre Allah. Puis il nous dit Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas à l'image de ceux qui ont oublié Allah. On a fait en sorte qu'ils se soient oubliés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont oublié du fait qu'ils n'ont pas fait ce qui leur était profitable. L'adoration d'Allah et ce pourquoi ils ont été créés. On leur a fait oublier la maslaha de leur propre personne. Ils ont oublié d'affranchir leurs âmes, de faire le bien, de délaisser le mal. Na'am. Puis, on nous cite les gens du paradis et les gens de l'enfer. Na'am, ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux. Ceux qui ont comme finalité al-jannah, l'agrément d'Allah, la vision de son noble visage, subhanahu wa ta'ala, d'avec ceux qui auront comme finalité l'enfer, na'am, avec ceux qui auront pour fruit al-zakoum, avec ceux qui auront pour vêtements des vêtements de feu, avec ceux qui auront à boire une eau purulente qui déchire les entrailles, ces gens-là ne sont pas égaux. Na'am. Ashabul jannati humul fa'izun. Les gens du paradis, voici ceux qui obtiendront l'énorme réussite. Donc ne sois pas distrait de cette préparation. Tous les jours prends tes actions. Tous les jours prends tes provisions. Chaque jour. Na'am. Le matin, à midi, le soir, durant la nuit si possible, prends des provisions. Prends des provisions. Autant que possible. Et c'est ainsi qu'était la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ton dernier souffle, alors que tu seras peut-être alité, rien sur toi ne fonctionnera si ce n'est ta langue. Tazawwad, fais du zikr. Fais du zikr, même si tu ne peux plus venir au masjid. Wallahi l'azim. Il y a parmi ceux qui peuplaient cette mosquée, na'am, certains de nos papas, des gens qui préservent la salat comme aucun jeune ici Mimma a'lam. Naam. Et je veux en citer un pour exemple. C'est monsieur Sidi Bey, shafahullah wa faqahullah. Un homme qui est gravement malade. Wallahi que lorsqu'il vient au masjid, kuntu astahi min wa astahi min Allah azza wa jalla qabla dhalik, j'avais honte d'Allah azza wa jalla lorsque je le voyais. Il n'arrive presque plus à marcher avec une cape. Il tremble. Et pourtant, il sort de chez lui à pied et il vient jusqu'au masjid en avance. Et il rentre ensuite à pied. Et son fils, qui est bienfaisant envers lui, il le prenait par la suite en voiture et il l'emmenait au masjid et il le ramenait. Subhanallah. C'est des gens qui n'ont pas étudié ce que nous avons étudié. C'est des gens qui n'ont pas appris à lire comme on a appris à lire. Pourtant, la salat, elle a une place dans leur qalb qu'on n'a pas trouvé, que je n'ai pas trouvé encore. Naam. Ah, ou la awam sont des gens de la masse. Mais ce qu'ils ont su, ils l'ont appliqué. Ce qu'ils ont su, ils l'ont appliqué. J'ai d'autres exemples en tête. Je me contenterai de celui-ci. Naam. Et lorsque tu le visites, c'est lui qui te fait un rappel. Il te dit Alhamdulillah. Lui est malade, son épouse est malade, et ils te disent Alhamdulillah. On va très bien. Naam. Tant qu'on a l'islam, Alhamdulillah. Wallah, mou'idha. Mou'idha mu'athira. Ça, c'est une exhortation qui touche les cœurs, qui fait couler les larmes, et qui t'appelle, toi, à te réformer alors que tu pensais être à un niveau. Ça, c'est des gens qui ont compris les provisions à prendre. Naam. Et jadis, une personne, comme les savants relatent cette histoire, un homme qui était malade et il était âgé. Pourtant, il venait au masjid. Les gens avaient pitié de lui et lui disaient, tu as une excuse auprès d'Allah Azza wa Jal, prie chez toi. Et lui, il a répondu aux gens. Il a répondu aux gens, وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي عِنْدَ اللَّهِ عُذْرًا. Certes, je sais qu'auprès d'Allah, j'ai une excuse. وَلَكِنِّي أَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَأَسْتَحْيِ مِنْ نَظَرِ اللَّهِ. Subhanallah. Cet homme, on lui dit, regarde ton état, prie chez toi. Il dit, je sais très bien, sans aucun doute que j'ai une excuse auprès d'Allah, mais j'entends, lorsque j'entends le mu'adhdhin dire, accourez à la prière, accourez au succès. Vous savez ce qu'il nous dit? Il dit, lorsque j'entends le muezzin dire hayya ala salah, accourir à la prière, hayya ala falah, accourir au succès, j'ai honte du regard d'Allah sur moi, alors je me lève et je sors vers le masjid. Fa ayna ash-shabab? Où sommes-nous, nous les jeunes? Naam? Où sommes-nous, nous les jeunes? Une autre histoire d'un homme qui, depuis 1981, il n'a pas raté une salat au masjid. C'est pas l'histoire d'un salaf, je vous parle d'une personne de notre époque que tu peux rencontrer. Naam. Depuis 1980, il nous dit quoi? Je n'ai pas raté une salat au masjid. Naam. Hakada. Ces gens-là, ils ont goûté au goût de la salat. Et ne lui parle pas de réveil. Ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas cela. Naam. Mettre plusieurs réveils comme on le fait. Là. Se réveille avant cela. Wayatazawwad. Et il prend ses provisions. Ils prennent leurs provisions. Ils ont su pourquoi ils ont été créés. Ils ont su pourquoi est-ce qu'ils ont été créés. Regarde dans la maktaba siyariyal salihin. Je vais vous lire un passage du début. Jazakallah khayr. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Celui qu'Allah Azza wa Jal guide, personne ne peut les garder. La khalas. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت. Tu dors alors que le demandeur des jours court derrière toi, il ne dort pas. Comment tu as pu donc dormir? طالب الأيام, le demandeur des jours, Encore une fois, ici, c'est le maut. C'est la mort. C'est comme si toi, tu étais en chemin et que la mort était derrière toi. Et elle n'attend que l'ordre d'Allah Azza wa Jal pour se saisir de ton âme. Donc ça, c'est la réalité de la situation dans laquelle tu te trouves. Chacun d'entre nous. Pourtant, l'auteur nous dit, comment est-ce que tu peux dormir dans cet état-là? Non. Tu sais qu'il y a la mort derrière toi, qui court après toi. Et toi, tu te permets de prendre ce repos-là et de dormir. Si toi, tu dors, la mort ne dort pas. Il n'y a entre toi et elle que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله أينما تكونوا يدرككم الموت où que vous soyez la mort vous attendra. معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت ولست بآمل باطل ردا للدنيا فتعمل صالحا فيما تركت وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين وغب ستة وأرجو أن يطول العمر وأرجو أن يطول العمر حتى Puis il nous dit, rahimahullah, les défauts de cette vie d'ici-bas sont nombreux. Et ton amour pour elle est gravé dans ton cœur. Et là, il nous appelle aux autres, à l'ascétisme, au fait de délaisser de ce bas monde ce qui ne sera pas utile pour nous dans l'au-delà. Na'am, tarkuka min ad-dunya ma la yanfa'uka fil akhirah. C'est la meilleure définition du zuhd, comme l'a dit Cheikh Salih al-Sheikh, et c'est la définition de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Afwan. Donc, ad-dunya est remplie de défauts. Hiya darul bala wal fitan wat ta'ab wal marad wa mufaraqat al ahibba. Na'am, wal faqr wal naqais wal 'uyub. Ce bas monde et la demeure des soucis, de la tristesse, de la peine, de l'affliction, des malheurs, de l'épreuve, de la séparation d'avec les bien-aimés, na'am, de la douleur, de la maladie, et j'en passe. Ça, c'est la description de la dunya. Ça, c'est la description de la dunya. Puis, il nous dit, « Wa anta ala mahabbatiha tubi'ata » Malgré tout cela, l'amour pour cette dunya est gravé dans ton cœur. Comment est-ce que tu t'attaches à cette dunya au point de courir après elle alors que la description réelle de la dunya, c'est quoi? C'est qu'elle est remplie de défauts. Elle est remplie de défauts. Celui qui veut acheter un bien et on lui cite beaucoup de défauts de ce bien, est-ce qu'il cherche par la suite à l'obtenir ou il s'en éloigne et cherche autre chose? S'en éloigne. Na'am. Et même si en apparence il ne voit pas de défaut, il cherche, il fouille, il demande, il questionne les connaisseurs et les spécialistes. La dunya, on t'a informé de ses défauts. Et toi, de par ta vie et ton expérience, tu as goûté à cela. Mais il nous dit, « Wa anta ala mahabbatiha tubi'ata » et ton amour pour elle est gravé dans ton cœur. يَضِيعُ الْعُمْرُ فِي لَعِبٍ وَلَهْوٍ وَلَوْ أُعْطِيتَ عَقْلًا مَا لَعِبْتَ. Quel est l'état du fils de Adam, celui qu'Allah Azza wa Jal n'a pas préservé? Il perd sa vie entre amusement et distraction. Na'am, il perd sa vie entre amusement et distraction. C'est-à-dire, il ne concrétise pas ce pourquoi il a été créé, la connaissance d'Allah, l'apprentissage, la concrétisation du tawhid, la mazda, l'application des ordres, le délaissement des interdits. Non, il est distrait, il pense à jouer, à se distraire. C'est comme s'il cherchait à prendre des choses de la dunya qui vont lui faire oublier ce pourquoi il a été créé. Iyadan billah. Na'am. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah wa hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Wa la u'tita 'aqlan ma la'ibta. Et si tu avais une raison, tu n'aurais pas joué. Celui qui a ce qui marque la raison saine d'une personne, d'une autre personne, et sa, son élévation au-dessus d'un autre, c'est quoi? C'est qu'il va vers ce qui lui est profitable. Et lorsqu'il a le choix entre deux choses, il choisit la meilleure. Et qu'il délaisse ce qui lui nuit. Et lorsqu'il est obligé de prendre une de ces deux choses-là, il prend celle qu'il peut le plus supporter, le mieux supporter. Comme on avait vu dans les Sahihs Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, la hadith khwani, na'am. Donc si tu as un aql, tu ne te comporteras pas ainsi. Tu passeras ton temps à apprendre pour appliquer. Particulièrement à notre époque où les gens ont beaucoup développé les causes de distraction, comme Internet, comme les DVD et ainsi de suite. Non, comme les jeux. Donc on a une époque où ces choses-là sont développées. Donc d'y avoir accès, de s'égarer, d'y avoir accès, d'être distrait, d'y avoir accès, de perdre son temps, c'est yani, plus que facilité. La personne n'a qu'à se laisser aller. Elle n'a même plus à faire, elle a juste à se laisser aller pour s'égarer. Amma celui qui veut être firufqati salihin, na'am, dans le groupe des pieux, lui il doit faire jihadun nafs, il doit faire des efforts, combattre son nafs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit huffatil janna bil makarih wa huffatil nar bil shahawat. Na'am, l'enfer est entouré des passions, des choses vers lesquelles le nafs penche, mais le paradis est entouré des choses vers lesquelles yani, ou bien pour le nafs, ces choses là peuvent être يعني لورد. ولست بآمل باطل ردا للدنيا فتعمل صالحا فيما تركت. Ne te lance pas de faux espoirs pour revenir à la vie d'ici-bas, afin que tu fasses du bien dans ce que tu délaissais. Celui qui décède sera lavé, c'est un musulman, il sera lavé, sera vêtu de drap, sera enterré, et on priera sur lui. Il ne pourra plus revenir fi dunya. Et le jour où il sortira de sa deuxième demeure, ce sera pour atterrir à la place du jugement dernier. Na'am. Donc n'espère pas cela. Ne te dis pas que si tu perds ton temps aujourd'hui, tu pourras le rattraper plus tard. Non. Le temps, il ne revient pas. Le temps, il ne s'achète pas et il ne se rachète pas. Mais ce que tu peux faire, c'est te réformer et te corriger pour mieux agir pour ce qu'il te reste à vivre. Et comme le disait un ancien, Ad-dunya qasir wa ma baqiya lak wa umruka minha qasir wa ma baqiya lak min umrika qasir. وما بقي من الدنيا كلها إلا القصير. Le bas monde, la durée de ce bas monde est courte. Et toi, ta vie qui t'es appartenue dans ce bas monde, elle est courte. Et ce qui reste de la dunya est court. Et la partie de dunya qu'il te reste à vivre dans ta vie à toi, elle est très courte. Na'am. Hakadha. Et Abdullah ibn Omar nous disait, إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الصَّبَاحِ وَخُدْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ فَغَارِكَ لِشُغُلِكَ أَوْ مِنْ مَاذَا مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ Abdullah ibn Omar disait, après avoir entendu l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu as atteint le soir, n'attends pas le matin. Ne pense pas à vivre jusqu'au matin. Et lorsque tu arrives au matin, ne pense pas à vivre jusqu'au soir. Prends de ta santé, de tes bons jours pour ta maladie. Tu es en bonne santé, agis, fais des actions. T'loub al-ilm, i'amal. Na'am, jeûne, prie. Va chercher la science, accomplis le hajj, agis. Pour les moments où tu seras malade et tu ne pourras plus faire ces choses. De ton temps libre pour les temps où tu seras, dans lesquels tu seras occupé, et ainsi de suite. فَتَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ. Quand tu as la certitude sur cela, c'est-à-dire que tu ne pourras pas revenir fi dunya, ça va te pousser à chasser la maladie طول الأمل, le fait de se voir une longue espérance de vie. Et particulièrement les derniers temps, car parmi les signes de la fin du monde, c'est que les jours passent très vite. Un mois semblable, yani une année sera semblable à un mois, et ainsi de suite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans un hadith. Donc choisis aujourd'hui ce que tu veux trouver demain. Les kuffars, du fait qu'ils ont mal agi fi dunya, certains d'entre eux diront Rabbi irji'oun, na'am, à la fin. Alors que dans ce bas monde, ils se moquaient des croyants. Na'am, ils n'ont pas agi. Ils se riaient de cette salat. Ils se riaient des musulmans. Ils se riaient du hijab shari'i. Mais lorsqu'ils vont rentrer sur la place du jugement dernier, ou bien lorsqu'ils seront dans leur tombe, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Rabbi irji'oun, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'ils diront ? Oh notre Seigneur, fais-nous revenir. Où ça ? Fi dunya. Pourquoi faire ? Pour aller voir leurs épouses ? Pour finir leur maison ? Pour embrasser leurs enfants ? Pour faire les comptes dans leur commerce ? Non. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Afin que je puisse faire les bonnes actions que je délaissais. C'est-à-dire ce qu'il n'a pas fait fi dunya. Après sa mort, il va espérer revenir fi dunya pour le faire. Donc toi, aujourd'hui, tu es dans ce qu'il aurait, dans ce qu'il espérera dans le futur. Na'am, toi aujourd'hui, tu y es. Et comme souvent, on s'est rappelé cette qissa, un homme a voulu exhorter son frère et lui a dit, viens avec moi, allons visiter Mada, des proches à nous, ou des frères à nous. Et il l'a emmené, et il a marché avec lui jusqu'à atteindre le cimetière. Il lui a dit, voici nos proches. Puis il lui a dit, si tu étais à la place de l'un de ces morts, qu'est-ce que tu aurais ? Qu'est-ce que tu espérerais par-dessus tout ? Na'am ? Il lui a répondu, revenir dans ce bas monde pour prendre mes provisions en bonne action. Et il lui a dit, ben aujourd'hui, na'am, tu es dans ce que tu aurais espéré. Alors agis. Alors agis. Hadi nasihatun tayyibatun qayyimatun zakiyatun mu'athira. Ça c'est yani un uslub jamil. Na'am, c'est une belle façon de conseiller son frère, intelligente et très touchante. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوا. Et lorsque la mort se présente à l'un d'entre eux, ils disent oh Allah, ou bien oh mon Seigneur, fais-nous revenir. لعلي أعمل صالحا فيما تركت, afin de pouvoir faire les bonnes actions que je délaissais. Puis il nous enseigne التواضع. Puis l'auteur nous enseigne التواضع, le fait d'être humble et de rabaisser son nafs. Wa awwalu man alumu al-yawma nafsi. Et le premier que je blâme aujourd'hui, c'est ma propre personne. Je vous cite ces vers de poésie, mais en réalité, le premier à qui j'adresse ce blâme, c'est moi-même. Faqad fa'alat nadha'ira ma fa'alta. Car mon âme a fait, car elle a fait les mêmes choses que toi tu as fait. Il s'adresse à toi. Mais au final il te dit, je me sens concerné par ce que je te dis. Moi-même je fais ce que je te reproche. Et nous tous, nous devons nous réformer. Alors que c'est l'allama, al-muhaddith, Naam, alors que c'est le grand savant, le savant du hadith. Naam, sa compagnie était Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres. Que pensez-vous d'une assise où il y a des gens comme Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qui eux-mêmes avaient des assises où il y avait Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala? Que pensez-vous de leurs discussions? Que pensez-vous de l'effet de leurs paroles lorsqu'ils te parlent d'Allah Azza wa Jal, des noms d'Allah ou du paradis? Subhanallah. Naam. Entre faibles comme nous, par moments, on atteint une grande sérénité. Naam. Que dire alors avec ces gens qui, eux, étaient pieux pour de vrai? Pas l'apparence que certains d'entre nous montrent aux autres. Eux, c'était des gens pieux, réellement. نحسبهم كذلك والله حسيبهم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. Allah Azza wa Jal nous dit, donc selon la traduction, ne dites pas de vous-même que vous êtes bien ou que vous êtes pieux. Naam, ne faites pas vos propres éloges. Il est plus savant sur les pieux. Allah Azza wa Jal sait mieux qui est le pieux parmi vous. Naam, tu ne dois pas dire de toi, je suis comme ceci, je suis comme ça. Naam, il y a quelques exceptions qui ont été citées dans les textes. Naam, mais la règle de base est celle-ci. Naam, pour que ce soit plus clair parmi les exceptions. Si tu viens par exemple postuler pour un poste, si tu ne prends pas toi ce poste-là, une personne non apte le prendra. Tu as le droit de vanter tes mérites pour qu'on t'accorde ce poste. Naam. Yusuf alayhi salam, par exemple, dans surat Yusuf, lorsqu'il a demandé à être garant des terres, naam, qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Inni hafidhun alim. Je suis quelqu'un digne de confiance et savant dans ce domaine. Je ne suis pas quelqu'un qui trahit et je ne suis pas ignorant du domaine. C'est ça le sens. Voilà. Donc ici, est-ce qu'il fait ses éloges? Est-ce qu'il cite de ses qualités ou pas? Oui. Est-ce que c'est blâmable? Non. Car la personne qui est en face va savoir à qui est-ce qu'elle confie cela. Non. Et c'est blâmable à la base de s'avancer dans des responsabilités. Mais, par exemple, on est en voyage et on va faire la salate. Tu sais que vous êtes 10, les 9 personnes ne récitent pas convenablement le Fatiha. Et toi, tu récites bien. Tu ne vas pas dire, moi, je suis mutawadi, moi, je suis humble, tafabbal, toi, avance-toi. Là, ce n'est pas être humble que d'agir ainsi. Dans ce cas-là, tu as l'obligation de t'avancer et de prendre la responsabilité. Wadah. Un autre exemple. Après cela, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, lorsque Al-Khawarij ont escaladé son mur, ont violé ses droits, après l'avoir comment est-ce qu'on dit en français, Hassarou, j'ai oublié le terme exact. Yani, assiégé. Naam. Il l'a empêché de sortir au masjid al-Nabawi, alors que c'est de son argent qu'on a agrandi le masjid Nabawi. Ha'ulahum al-Khawarij al-Zalam. De tout temps, les Khawarij sont les injustes. Naam. Ensuite, ils lui ont interdit l'eau. Et c'est lui qui a acheté le bi'r. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui a acheté le mada. Subhanallah. Comment est-ce qu'on dit le bi'r en français? Le puits. Naam. C'est lui qui a financé cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma darra Uthman ba'da ma fa'ala al-yawm. Plus rien ne nuit à Uthman après ce qu'il a fait aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa plus d'une fois l'a annoncé au paradis, Uthman fil jannah. Malgré ça, ils n'ont pas eu de rahman ni pour sa place de compagnon, ni pour sa place de calife, ni pour sa place de personne hachée. Subhanallah. Ils sont rentrés chez lui, ils l'ont agressé, ils lui ont porté des coups de couteau, ils jeûnaient, ils avaient le mus'haf, et ils ont fait couler son sang, ils l'ont assassiné au point de blesser son épouse. Naam. Lorsqu'ils sont venus, Uthman a dit, فَبِمَا يَقْتُلُونَنِي. Pourquoi est-ce qu'ils vont m'assassiner? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé ce qui méritait la peine de mort. Et je n'ai fait aucune de ces actions-là. Non. Il s'est innocenté du péché. Et il a vanté ses mérites. Non. Et un dernier exemple, ou bien deux exemples, Abdullah ibn Saoud a dit, si je connaissais une personne qui a plus de science sur moi, que moi sur du Coran, Naam, j'aurais voyagé vers lui tant que cette tant qu'on puisse, yani pourvu qu'on puisse atteindre cette personne à dos de monture. En gros, il dit quoi? Je suis le plus savant du Coran. Abdullah ibn Saoud, c'est le plus savant sur la cause de révélation du Coran. Naam. Et c'est lui qui a vanté Ibn Abbas, vanté les mérites d'Ibn Abbas, en disant « Ni'matul Juman al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas. » Abdullah ibn Abbas, c'est lui qui a dit ça. Et le prophète sallam a dit « Celui qui veut prendre le Qur'an parfaitement comme il m'a été révélé, qu'il l'apprenne de la bouche de Ibn Ummi Abd, c'est-à-dire Abdullah ibn Saoud. » Et lorsque le prophète sallam a voulu entendre le Qur'an, il a dit « Abdullah ibn Saoud, récite-moi. » Donc Abdullah ibn Saoud dit « Je suis le plus savant du Qur'an. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il s'est vanté, il a vanté ses mérites ou pas? Oui. Mais pourquoi? Il veut dire, oh vous, ya talabat al-ilm, venez prendre l'ilm de moi, venez mémoriser le Coran de moi, venez prendre l'explication du Coran de moi, avant que je décède. C'est ça que ça veut dire. Et Abdullah ibn Abbas se met devant sa porte et il dit, celui qui veut la science de l'héritage, de la langue arabe, de telle chose, telle chose, telle chose, qu'il y a. Naam. Les exemples sont nombreux, je vais finir avec un seul exemple. L'exemple d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans l'Amiyya. Et c'est dans le charh de l'Amiyya qu'Allah Azza wa Jalla nous a facilité à étudier ce que je viens de vous citer. L'Amiyya, Ibn Taymiyyah, c'est un poème. Naam. Et au début, si mes souvenirs sont bons, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit « Ya sa'ali an madhhabi wa aqidati, ruziqa al-huda man lil-hidayat yas'alu. » Ô toi qui me questionne, ma'adha, sur ma méthodologie, le chemin que j'emprunte, sur ma aqidah. Naam, certes, a reçu la guidée, celui qui questionne à son sujet. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Isma qawla muhaqqiqin fi qawli. Écoute la parole d'un véridique, de celui qui a la raison, de celui qui a raison dans cette mas'ala. Il dit, prends de moi l'ilm, moi je suis un manhaj sahih. La vérité, elle est avec moi, viens et prends de moi. Ça, c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Tous ces gens-là étaient humbles. Et leur agissement ne contredit pas l'humilité pour celui qui a étudié. Pour celui qui a étudié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. Pourtant, il nous dit, Ana a'lamukum billah, wa atqakum la, wa akhshakum la. Je suis celui qui connaît le mieux Allah, le plus pieux d'entre vous, et celui qui le craint le plus. Ana sayyidu waladi Adam, yawm al-qiyamah, wa la fakhr. Je suis le meilleur des fils de Adam le jour de la résurrection, sans me vanter. Al-Shir al-Allama al-Muhaddith Abdul Muhsin Abbad, hafidhahullah ta'ala, nous dit, ici il nous dit cela car c'est le dernier des prophètes, il nous apprend qui il est, car personne ne pourra le faire après lui. Donc tous ces textes, gardez-les en tête. Si vous entendez un savant un jour dire, comme on a entendu certains savants, Ana alim, je suis un savant. Il ne faut pas les critiquer. Et il te dit, c'est un savant pour que tu délaisses tes occupations et que tu ailles prendre la science de lui. Naam. Et tu as l'obligation d'avoir une bonne opinion des ulama de Ahl Sunnah. S'ils font une chose que tu ne comprends pas, tu dois avoir une bonne opinion et questionner à ce sujet. Et certes, ils ne sont pas infaillibles. Donc il nous apprend l'humilité ici en nous disant que lui-même se plaint de cette faiblesse. Naam, lui-même se plaint de cette faiblesse. Et il nous dit qu'il a des imperfections et qu'il est sujet à l'erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Tout fils de Adam est sujet à l'erreur et le meilleur de ceux qui font des fautes sont ceux qui se repentent. Donc l'homme doit s'asseoir avec sa propre personne et faire ses comptes et voir ses imperfections et demander autour de lui. Et il doit s'éduquer, éduquer ses proches à être ainsi. Aya nafsi akhawdan fil ma'asi wa ba'da al arba'ina wa ghibba sitta. Ô mon âme, tu t'enfonces toujours dans les péchés après la quarantaine et un peu plus de 6. C'est-à-dire qu'il a écrit ce poème à quel âge? À 46 ans. Et il dit, ô mon âme, après avoir atteint cet âge avancé, tu continues à pencher vers le péché, la désobéissance. Il se parle à lui-même et il se fait des reproches. Et c'est ainsi que doit être la personne. Na'am, c'est ainsi que doit être la personne. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, tous ceux qui font de la médisance me concernant, ils sont dans leur droit en réalité. Car je suis rempli de péchés. Na'am. Car ils sont remplis de péchés. Et d'autres disent, tout ce qu'ils disent sur moi, na'am, n'est qu'imperfection à mon sujet. Car j'ai bien pire que cela. Car plus la personne est savante et pieuse, plus elle connaît de la perfection d'Allah. Et plus tu connais de la perfection d'Allah, plus tu connais de ton imperfection à toi. Par exemple, tu apprends que parmi les noms d'Allah, il y a Al-Hayy, le vivant. Zul Hayat al-Kamila. Allati lam tusbaq bi'adam. Walan yalhaqaha amada maut. Wala ya'tiha naqsun. Wala afa. Allah Azza wa Jal est le vivant par excellence. Une vie qui n'a pas été précédée du néant, qui ne sera pas rattrapée par une mort. Une vie qui n'est pas sujette à la maladie, ni à l'imperfection. Et ainsi de suite. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ni le sommeil ni la somnolence ne le saisissent. Donc, tu as connu Allah Azza wa Jal à travers Al-Hayy. Ben, tu sais maintenant toi que tu es né hier, tu vas mourir demain, tu es malade, tu rentres aux toilettes, et ainsi de suite. Et tu as des défauts physiques, na'am, et ainsi de suite. Donc plus la personne a de la science, plus elle sera humble. Parmi les effets de la science, comme le dit Cheikh Saleh Al-Halishi wa faqahullah, il y a tawadu'. Parmi les effets de la science, le fait d'être humble. L'explication est ce que vous venez d'entendre. وأرجو أن يطول العمر حتى أراز ذا الرحيل وقد تأتى. Et j'espère que ma vie durera jusqu'à ce que je vois la provision du départ suffisante ou bien toute prête. Ici, il invoque Allah Azza wa Jal, ou il demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder une longue vie. Car il considère que du haut de ses 46 ans, ses provisions ne lui sont pas suffisantes pour atteindre le bien auprès d'Allah Azza wa Jal. Il voit qu'il a trop de péchés, pas assez de bonnes actions. Donc il demande à Allah Azza wa Jal de le laisser vivre encore longtemps pour qu'il puisse agir, pas pour jouer, pour qu'il puisse agir, prendre ses provisions, délaisser les péchés, se repentir, prendre beaucoup de bien et au point de voir de lui qu'il peut espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et la bonne rétribution. Voici ce que signifie وَأَرْجُ أَنْ يَطُولَ الْعُمْرُ حَتَّى أَرَازَ ذَا الرَّحِيلِ وَقَدْ تَأَتَّى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند الترمذي خير الناس يعني سئل عن خير الناس فقال عليه الصلاة والسلام من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Le prophète alayhi salat wa salam fut questionné au sujet de la meilleure personne. Sa réponse fut: la meilleure personne est celle qui a vécu le plus longuement, le plus longtemps, et qui a fait les meilleures actions. Plus tu vis et mieux tu agis, mieux tu es. Na'am. Celui qui vit le plus longtemps et qui a agi le mieux, voici la meilleure personne. Voici la meilleure personne. Puis il nous dit, et la pire d'entre elles est celle qui a vécu longtemps et qui a mal âgé. Elle a emmagasiné les péchés tout ce temps. Elle atteint un âge avancé et encore dans les péchés, encore dans les péchés, encore dans les péchés. Puis il nous dit, rahimahullah, donc si vous résumez tout ce qui vient de passer, il nous met en garde contre la dunya, il nous montre qu'elle n'a pas de valeur, qu'on a été créé pour adorer Allah Azza wa Jalla dans un culte sincère, et que cette dunya c'est un endroit de défaut, il te faut prendre tes provisions pour rencontrer Allah Azza wa Jalla et trouver du bien auprès de lui. Puis il s'adresse aux jeunes, il s'adresse à la jeunesse. Aya Rusnaz J'ai الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وعشت الذي أذكر آية غصن الشباب نعم un autre texte j'ai آية غصن الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وشبت ici Aya rusna shada tamil zahwan ka annaka qad mada zaman wa ishta. Mahma yakun min al-amr. Aux branches, aya ici, aux branches parfumées, tu te penches de prétention, comme si tu avais passé un agréable moment. Et ce que j'avais lu auparavant, aya rusna shabab, ou toi la branche de la jeunesse. Ça fait référence à la partie forte de ton corps, à la partie forte de ta vie. Naam. La partie forte. Yani le tronc ou bien la branche, c'est une partie solide comparée à la feuille. Toi, le moment où tu es fort, c'est le moment où tu es jeune. C'est le moment où tu es jeune. Tamil ou zahwan, tu penches, selon traduit de prétention, Allah alam, kannaka qad mada zamanun wa shibta. Yani, tu étais jeune hier, tu étais beau, tu étais fort, et voilà que voici qu'on dirait que tu as atteint déjà la vieillesse. Yani, ça passe très vite. Voilà qu'on dirait que tu as déjà atteint la vieillesse. Ka'annaka qad mada zamanun wa shibta. Donc le jeune ne doit pas se laisser tromper par sa jeunesse, par sa force. Naam, tamil zahwan, ta beauté, ta force et tout cela se dissipe. Az-zahw c'est husn al-manzar. Naam, donc je ne sais pas pourquoi ici c'est traduit par prétention, peut-être qu'il y a un autre sens que j'ignore. Allahu a'lam, je ne suis pas savant de la langue. Alimta fada' sabil al-jahl wahdhar wa sahih qad 'alimta wa ma 'amilta. Tu sais donc, délaisse la voie de l'ignorance et sois prudent. Et corrige, car tu sais tout, mais tu n'as pas œuvré. Ô toi le jeune, yani il s'en faut de peu pour que tu atteignes la vieillesse. Cette force, cette vitalité que tu trouves en toi-même, elle ne durera pas. Naam, délaisse le mauvais chemin. Prends tes provisions. Puis il dit, tu sais, yani tu as cette science. Alimta, fada' sabil al-jahl. Donc délaisse la voie de l'ignorance. Car celui qui sait mais n'agit pas, c'est un jahil. Car il agit à la manière des ignorants. Naam. Et il y a le Ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, dit qu'il y a le consensus des savants quant au fait que la personne ne sera pas considérée comme étant savante tant qu'elle n'appliquera pas sa science. Ton vrai ilm, c'est ce que tu appliques. Donc il dit, tu as su, mais tu n'as pas agi. Alors délaisse la voie de l'ignorance et sois sur tes gardes. Corrige-toi. Maintenant, tu sais. Maintenant que tu sais, corrige-toi. Tu sais, mais pourtant tu n'œuvres pas. Ici, il nous appelle à une grande chose. Naam. Et j'ai honte de le lire, mais c'est une obligation que de transmettre, en espérant qu'Allah Azza wa Jalla nous aide à la réforme. Ici, il nous appelle à la mise en pratique de la science. Naam, le but, c'est pas de prendre le ilm pour l'ilm. Naam, tu dois vouloir, à travers la recherche de la science, connaître Allah, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaître l'islam, agir en conformité avec les ordres d'Allah azza. Voilà pourquoi tu apprends. J'apprends pour faire ce qu'Allah m'a commandé. J'apprends pour affranchir mon âme de l'enfer. J'apprends pour transmettre cela aux autres. J'apprends pour que cette religion reste pure et préservée sharia. Voilà pourquoi est-ce que tu apprends. Amma, apprendre pour dire je sais, lui ne sait pas. Apprendre pour débattre avec les gens. Naam. Apprendre pour dire moi je sais, lui ne sait pas. Apprendre pour avoir une place auprès des gens. Apprendre pour avoir un travail. Apprendre pour prendre l'argent. Là. Apprendre pour qu'on me pointe du doigt et on me dise c'est celui qui connaît le Coran, c'est celui qui connaît Kada, c'est celui qui fait l'imam, c'est celui qui... Là, apprendre pour qu'on t'appelle cheikh, là, apprendre pour avoir des passes droits, non. Tout cela ne doit pas être ton but. La bonne intention dans Talibul Ilm, c'est adorer Allah Azza wa Jal pour entrer fil Jannah. Si ce n'est pas ton intention, sache que ton intention est erronée. À chaque fois que tu viens dans une assise, à chaque fois que tu ouvres un livre, tu dois réviser cette intention. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Chaque, ou bien les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque œuvre sera attribuée selon son intention. Donc tu dois faire attention à cette intention. Naam. Et certains parmi les plus prédécesseurs disaient, avant je pensais qu'il fallait une intention pour au début de chaque livre. Et j'ai compris par la suite qu'il fallait une intention pour chaque hadith étudié. Naam. Et certains disaient, je pense qu'il faille mettre le hadith innama al-a'malu bin-niyyat au début de chaque chapitre pour se rappeler l'intention. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a commencé sa Sahih al-Bukhari par innama al-a'malu bin-niyyat. Innama al-a'malu bin-niyyat. Naam. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a commencé son recueil par Rabban al-Nawawi par innama al-a'malu bin-niyyat et beaucoup d'autres ça pour attirer l'attention sur l'intention au début de chaque acte. Naam, wallahu musta'an. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala me dit, je n'ai pas trouvé une chose plus difficile à maîtriser que l'intention. Et certains parmi nos savants disaient, j'entre dans un sujet ou dans une conférence ou dans un cours, je sais l'intention que j'ai, et au milieu de cette conférence, je ne sais plus quelle est mon intention. Et Annie, je me bats pour maîtriser cette intention, pour tenir cette intention. Et l'un d'entre nous ose dire, moi, alhamdoulilah, je suis sincère. Moi, alhamdoulilah, je ne tombe pas dans l'ostentation. Moi, alhamdoulilah, j'ai prié cette nuit. Alhamdoulilah, moi, j'ai mémorisé le Coran. Alhamdoulilah, moi, kaza wa kaza wa kaza. Naam. Les ulama et les plus prédécesseurs cachaient leurs bonnes actions comme ils cachaient leurs péchés. L'un d'entre eux dort à côté de son épouse. Une cinquantaine d'années, il pleure toutes les nuits et elle ne l'a jamais su. Un des pieux prédécesseurs dort à côté de son épouse une cinquantaine d'années. Il pleure les nuits par crainte d'Allah sans qu'elle ne le sache jamais. Sans qu'elle ne le sache jamais. Naam. L'un d'entre eux jeûne régulièrement et personne, ni même sa famille, ne le sait. Naam. L'un d'entre eux lit le Coran de longues heures durant. Et lorsqu'une personne entre, il cache le mushaf. Lorsqu'une personne entre dans sa chambre, il cache le mushaf. Et les exemples des plus prédécesseurs sont nombreux dans cela. L'un d'entre eux fait un cours, il se met à être touché par le khushu', yani il est touché par la parole, il a envie de pleurer. Et lorsqu'il commence à s'emporter dans cela, il dit, comme le rhume est fort aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Ô combien je suis enrhumé aujourd'hui. Pour faire passer l'effet de la crainte d'Allah pour la maladie. Pour la maladie. Il cachait même cela lorsque c'était possible. Mais le meilleur de la communauté, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a déjà, et Anis s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation. Mais ce que j'entends par cela, et ce que les ulama nous enseignent, na'am, et qu'on tire d'eux, c'est quoi? C'est que la personne doit tenter de se retenir et de cacher ses émotions. Pour qu'on ne la pointe pas du doigt comme étant une personne pieuse, alors qu'il connaît de lui, yani son état. Il connaît de lui son état. Dans son poème, Al-Qahtani, rahimahullah ta'ala, dit: par Allah, s'ils avaient su mes défauts, mes péchés, auraient refusé de me saluer. Si les gens avaient su mes péchés, ils auraient refusé de me saluer, auraient refusé de me saluer celui qui m'aurait rencontré. Vous imaginez? J'ai tellement de péchés que si mes frères en Allah avaient eu connaissance de cela, qu'ils auraient refusé de me passer le salut. Et d'autres parmi les pieux prédécesseurs disaient, Abdullah ibn Mas'ud disait par exemple, لو تعلموا ذنوبي ما وطي عقب اثنين. Si vous saviez mes péchés, il n'y aurait pas deux personnes à mes talons, c'est-à-dire personne ne me suivrait. Il s'agit de qui? D'Abdullah ibn Mas'ud, le grand savant de la communauté. Il sort, tout le monde le suit, tout le monde lui pose des questions, tout le monde veut son ilm. Comme c'est le cas avec les plus grands savants, et plus encore. Il se retourne et leur dit: si vous saviez mes péchés, il n'y aurait pas deux personnes à mes talons. Personne ne m'aurait suivi. Il les met en garde contre l'exagération sur le savant. Il les met en garde contre l'exagération sur les personnes pieuses. Naam. Et il se considère comme cela. Puis il dit: et vous auriez pris le sable pour me le jeter sur la tête. Ça, c'est Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et il est celui qui nous dit: inna al-mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alayhi wa inna al-fajira yara dhunubahu ka dhubabin marra 'ala anfihi fa qala hakadha. Abdullah ibn Saoud nous dit: la personne pieuse voit ses péchés comme un homme qui est devant une montagne, il a peur qu'elle s'écroule sur lui, alors que le pervers voit ses péchés comme une mouche qui est venue se poser sur son nez. Il lui a fait ce geste et elle s'est envolée. Mafhoum, c'est compris? Donc c'est ainsi qu'il se considérait. C'est ainsi qu'il se considérait. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire 4 ou 5 fois dans le Coran: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dis: je crains un châtiment immense si je désobéis à mon Seigneur. Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de dire cela dans le Coran. Ô messager d'Allah, dis aux gens que tu as peur du châtiment d'Allah dans le cas où tu commettras un péché. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Combien de péchés sont commis? Est-ce qu'après cela, on pourrait s'enorgueillir au-dessus des gens et faire tazkiyatou nafs et dire: moi j'ai, ou ça fait 10 ans que je suis dans l'istiqama ou dans le din, ça fait kada, telle année j'ai rencontré chez un tel et j'ai vu chez un tel ou kada, kada. L'homme n'est pas selon un tel. L'homme, c'est selon ce qu'il est lui. Le meilleur n'est pas celui qui dit mon père était un tel. Le meilleur est celui qui est lui. Non? Donc chaque personne doit faire ses comptes et regarder ce qu'elle a avancé pour demain et savoir quelle est sa place et sa place et sa place chez Allah Azza wa Jal selon les actions qu'il a avancées et les péchés qu'il a commis. Il nous appelle ici à la réforme. Il nous cite les imperfections, il nous cite nos défauts et il dit de cela de lui-même. Mais il ne veut pas que tu désespères de la miséricorde d'Allah. Ceci ne fait pas partie des caractéristiques du croyant. Non. Il nous dit donc: وَصَحِّحْ قَدْ عَلِمْتَ وَمَا عَمِلْتَ. Réforme-toi. Tu as su, mais tu n'as pas agi. Il nous appelle ici à la réforme, à nous corriger. Tu es encore en vie, tu peux te corriger. Ne sois pas désespéré par ce que je viens de te dire avant. C'est une exhortation pour que ton cœur s'adoucisse, pour que tu délaisses la dureté du cœur et que tu agisses, tu apprennes et tu mettes en pratique, tu prêches et tu endures. Ici, on t'appelle donc à la réforme. Ne reste pas dans le péché, dans la faute. Par la suite, il nous parle de ceux qui recherchent la dunya. Et on laisse cela pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, et je n'ai pas oublié que demain nous sommes vendredi. Naam, notre jour préféré et notre assise tant attendue. Mais demain, incha'Allah ta'ala, nous attendons la venue de notre noble cheikh Azin Ramadani al-Jazairi. Cheikh Azin Ramadani, naam, un savant d'Algérie. Naam, qui est en France pour une cause particulière et il n'omet pas de faire profiter la communauté de son savoir qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé. Donc il donnera une conférence qui est à la ville et l'adresse, que je la cite, il se peut que ce soit profitable. Et c'est ainsi que l'on se doit de faire, nous, faibles étudiants que nous sommes. Naam. Lorsqu'il y a de l'eau, il n'est plus permis de faire At-tayammum. Lorsqu'il y a de l'eau, il n'est plus permis de faire At-tayammum. Naam. Donc lorsqu'il y a la venue des gens de science, ulama de Ahl Sunnah, ou bien des grands ulab ilm, naam, on arrête, on reporte notre cours et on va s'asseoir au pied de nos sages. Barakallahu fikum. Donc, le sujet des plus importants, les causes de l'augmentation de la foi et de sa diminution. Naam, ayant grandement besoin, moi, de ce sujet, je ne peux me permettre de dispenser cours. Les causes de l'augmentation de la foi et de sa diminution. C'est donc demain, vendredi 21 août, après Salatul Asr, il y a une salle disponible pour les femmes à la mosquée An-Nour, dans la ville de Melun, dans le 77, 38 rue Lavoisier, à Melun. 38 rue Lavoisier, 77 000 Melun. Donc j'invite ma personne ainsi que vous-même à assister au cours de ce noble shir, et ces conférences sont très profitables. Jazakallahu khayran. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih sha'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Allahumma aghfir lana dhunubana. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لأمي. اللهم اغفر لأمي. اللهم نور قبرها وارفع درجاتها في الجنة. واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أمورنا. اللهم أصلح أمورنا كلها. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم لين قلوبنا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Donc transmettez ce message que demain il n'y aura pas cours ici avec nous, et qu'on invite les gens à se rendre à la conférence. يشير حفظه الله تعالى والحمد لله.